va pas qu'à la cour, par gueule de rap. On est trop lourd, garçon, pour que tu nous tiennes la grappe. On n'a pas de panache, mais un vécu de malade. On n'est pas dans le même délire, mais y'a trop décalage. On n'a pas de calage, on parle que de rap. On est trop lourd, garçon, pour que tu nous tiennes la grappe. On n'a pas de panache, mais un vécu de malade. On n'est pas dans le même délire, mais y'a trop décalage. Crois pas qu'ici on lève la voix pour dire des trucs de malade. Mon rêve à moi c'est soulever le doigt, écrire ces trucs qui m'arravent. Certes on est dur de la page, reste pas dans les parachutes. Je demande le silence, je me lance en freelance. Et tout ça sans parachute. Demande au Rital si on fait dans le détail. Les rivaux détalent, hématome couleur betterave. Je suis la bête noire, la bête rare. On est passé par là, toujours actif. On se laisse pas dépasser par l'âge. On a la rime balistique, normal que ça chie. Des gilets par balles, on entretient la punchline. Dog life, top là ou give me five. Si tu kiffes mes phases ou que tu sniffes la vibes. Parfois ça kick sale, parfois on game la métaphore. Look at Alry, t'as eu la première partie. Voici la seconde, y'en a encore sous le cap au papy. On prépare la bombe 6. On n'aura pas qu'à la cour, pas que de rap. On est trop lourd, garçon, pour que tu nous tiennes la grappe. On n'a pas de panache, mais un vécu de malade. On n'est pas dans le même délire, mais y'a trop décalage. On n'aura pas qu'à la cour, pas que de rap. On est trop lourd, garçon, pour que tu nous tiennes la grappe. On n'aura pas de panache, mais un vécu de malade. On n'est pas dans le même délire, mais y'a trop décalage. C'est tous les putés, j'vais pas y aller, mon lot t'a passé le beat. J'suis de retour au studio qui cache l'instant, tu connais le type. T'inquiète pas, on a la santé. Y'a que ceux qui comprennent rien à la musique qui restent assis. SS de folie, t'as reconnu M. Si je les vois déjà pas les rangs, j'ai pas rêvé une kiki avec ma bite et mon canif. Le rap français part en sucette. Que des featuring de merde pour s'assurer le succès. Street, j'oublie rien, j'kick toujours dans le même esprit. Chut, tous viens, on lâche rien, M. Si j'texplique. Tout le monde inspire, j'en suis la cause. Ouais, on tourne nos clips sur la côte. Pas besoin de ramener mille sauces pour faire Zama. Ouais, j'ai la cote. Que de la frappe de bonhomme. Ouais, ça rap sale sur la prod. Boum, bap, on va t'apprendre à manier le stylo. Bouge pas. Bah ouais, poteau, c'est de la bonne. Prends-le surtout pas à la cool. Gauche, droite, bah ouais, ça cogne. Angers, Angers, c'est Iso. On n'aura pas qu'à la cour, par que de rap. On est trop lourd, garçon, pour que tu nous tiennes la grappe. On n'aura pas de panache, mais un vécu de malade. On n'est pas dans le même délire, mais y'a trop décalage. On n'aura pas qu'à la cour, par que de rap. On est trop lourd, garçon, pour que tu nous tiennes la grappe. On n'aura pas de panache, mais un vécu de malade. On n'est pas dans le même délire, mais y'a trop décalage. On n'aura pas qu'à la cour, par que de rap. On est trop lourd, garçon, pour que tu nous tiennes la grappe. On n'aura pas de panache, mais un vécu de malade. On n'est pas dans le même délire, mais y'a trop décalage. On n'aura pas de calage, on parle que de rap. On est trop lourd, garçon, pour que tu nous tiennes la grappe. On n'aura pas de panache, mais un vécu de malade. On n'est pas dans le même délire, mais y'a trop décalage.